fait l'amour fédéré, plaqué des corps en fa majeur. J'ai fait l'amour avec le tien, dans mes silences de déserteur. J'ai chanté souvent notre histoire. Thank you.